Et maintenant, un dernier épisode de Dune. La vache, depuis le temps que j'en rêvais. 10194, 4 août, 15h03, orbite d'Arrakis. Le long courrier de la guilde spatiale est enfin prêt à pénétrer dans les plis insondables des tissus de l'univers pour rejoindre Veridel 7 en vue de son oblitération. Réunis dans la baie d'observation donnant sur l'immensité de l'espace, le seigneur Muad'Dib et ses compagnons se préparent au grand saut. Je vous dis que c'est pas naturel! Je veux pas! Mais bordel, Yves! On vous a dit que ça risquait rien! Mais quelle plaie, ce type! Il y en a toujours des accidents! Des vaisseaux qui disparaissent pour toujours! Pendant le jet butlerien, ils en ont perdu une chier! Ils ont fait beaucoup de progrès depuis! C'est pour ça que ça coûte une blinde! Rassurez-vous! Eh, franchement, vous êtes pas courageux, hein! Même le tenancier du Vladimirsbar a plus de baloches que vous! Eh, mais ça veut dire quoi, ça? Espèce de malotru! Ouh! Mais vous allez la fermer, tous! Vous allez nous faire rater le spectacle! Le spectacle de notre évaporation dans les limbes de l'oubli? Quand nous disparaîtrons de la mémoire des hommes comme des larmes dans la pluie? V'là qui fait des phrases maintenant! Oui, vous devriez pas essayer, Yves. Vous avez pas le chic pour ça. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent au centre de contrôle? On n'a pas que ça à faire! Alia, demande-leur ce qui les retient. Baie d'observation à centre de contrôle de gaz d'épices! Mon frère, vous savez, l'empereur de l'univers, rien que ça, hein? Je dis ça, je dis rien. Demande respectueusement ce que vous branlez. Oui, bah, minute, hein. On y vient. Essayez de replier l'espace avec une gueule de bois, on vous regarde. Ne vous foutez pas de nous, il y a juste un levier à baisser. Oui, mais ça demande du doigté. Oui, eh bien les doigts, sortez-les-vous de là où je pense, sinon ça va barder pour votre matricule. Ça va, ça va. Préparatif finalisé, départ immédiat. Accrochez-vous à vos slibards, c'est parti pour le grand saut. Non, non, vous n'avez pas le droit. Allons-y, qu'on en finisse. 5. Ah, c'est pas dommage. 4. Youhou. 3. Je veux pas. 2, je veux pas. 1, je veux pas. Saut. Oh. Orbite de Veridel 7. C'est bon, Yves. On est arrivé. Ah bon? Oh bah c'était pas grand-chose en fait. Nous sommes en orbite de Veridel 7, Seigneur Muad'Dib. Je dirais même plus. Planète Veridel 7 en vue. Merci Dupont et Dupont, heureusement que vous êtes là. Veridel 7, c'est bien la grande sphère qui s'étend à perte de vue derrière la grande baie vitrée, si je ne m'abuse. Tous les dieux, une autre planète qu'Arrakis. Quelle aventure! Mais c'est quoi tout ce bleu et tout ce vert? C'est dangereux. Ça s'appelle des forêts et des océans. Nous en avions aussi sur Caladan, avant toute cette sombre histoire. Que c'est beau! Faut avouer, même à moi ça me fait quelque chose. Tiens, Yves, on vous entend plus. C'est juste que c'est magnifique, quoi. C'est la plus belle chose que j'ai vue depuis qu'on m'a remis ma licence 4. Eh, mais... Vous pleurez? Bah oui, bah j'y peux rien. Oui, bon, bah... Gardez ça pour plus tard. Pour quand on aura tout réduit en cendres. Paul, on va pas vraiment faire ça. Si Esteban nous laisse pas le choix, si, hélas. À ce propos, Seigneur Muad'Dib, si cela vous agrée, souhaitez-vous que nous entrions en contact avec la surface? En effet, gageons que le duc Esteban n'aura pas manqué de remarquer notre arrivée. Mais vous êtes encore là, vous? Oui, semblerait-il, votre seigneurie. Ne trouves-tu pas très cher qu'il fait beau aujourd'hui? Si, tout à fait. Un temps magnifique. Moins bouleversant, toutefois, qu'un lever de soleil sur jonction, avec ses reflets pourpres et incandescents, baignant d'une lumière rougeoyante, les tours de contrôle d'acier et de verre trempés de la guilde. Ils ont fondu un fusible ou quoi? Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne horizon. Se sont évanouis? Mais virez-les! Est-ce pour ce visage qu'on lança 1000 navires à la mer et qu'on brûla les autour d'Ilion? Mais qu'est-ce que... Oh, mais je crois que j'ai compris! Dites donc, vous deux! Plaît-il? Par le plus grand des hasards, vous seriez pas en train d'essayer de gagner du temps d'antenne parce que c'est votre dernière apparition dans la saga? Hein? Mais non, pas du tout. Maître Corbeau tenait dans son bec un fromage. C'est juste que, vous voyez, on a l'impression qu'on n'a pas pu exprimer tout notre potentiel d'acteur dans le peu de scènes qu'on a eu. C'est un rock, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Parez-vous. Ceci dit, ces deux abrutis ont raison. Alia, ouvre un canal avec le palais d'Esteban. Depuis quand ai-je été promu officier des transmissions? Ah, file-moi ça. Punaise, faut tout faire soi-même sur ce vaisseau. Bon, comment je fais pour lancer un visio? Ah, c'est bon, pousse-toi de là, incapable. Salutations, Duc Esteban. Ah, salut Leto, tu vas bien? Non, cher Duc, rappelez-vous, Leto, c'était mon père. Je suis l'empereur Paul Mouad'dib. Ouais, attends, je finis un call Discord sur un autre channel et je suis à toi tout de suite. Mais qu'est-ce que... Hein? Mais oui, Mimi, tout est ok, pas de soucis. Je te dis que j'ai fini de composer le nouveau thème. Allez, je te fais un export en locu, pour que tu te fasses une idée, quoi. Hein? Oui. Oui, moi aussi. Allez, bisous. Ouais, Leto, excuse-moi, tu disais... Putain, François, on enregistre, là. Je sais que tu fais ça juste pour cachetonner, mais implique-toi un peu, merde. Ah oui, mince, pardon, j'avais oublié que c'était aujourd'hui. Alors... Oh, Seigneur Mouad'dib, quelle surprise! Je n'attendais certes pas votre visite. Vous deviez bien vous en douter. Vous avez reçu un ultimatum, non? Ah, ce truc-là! Ah non, mais moi je croyais que c'était bon, quoi. Comment ça, c'était bon? Bah oui, j'ai pas eu de nouvelles depuis 3 mois, alors je me suis dit que vous aviez laissé tomber cette histoire de soumission. Oui, enfin bon, j'ai eu un petit contretemps. J'entrerai pas dans les détails puisque ça me reste encore un peu en travers de la gorge, mais bref, c'est réglé. Bon bah... Cool alors. Cool, ça veut dire que tout est ok. Tout est ok pour moi en tout cas. Ça va, je vous dérange pas pendant le déjeuner? Bah, tu es un peu, enfin. Et 8h du mat quoi. Le petit déj, tout ça. Donc, tout est ok. Vous vous soumettez à la vraie foi de Mouad'dib, vous et toute votre planète. Ah, ça! Bah non, toujours pas. Hein. Vous êtes encore là-dessus, mais. Bah moi je suis passé à autre chose quoi. Mais bordel, c'est pour ça que je suis là. Ah, mais j'avais pas compris ça moi. Ah bah non. Ah bah si je me souviens bien, je vous ai dit que vous pouviez vous mettre une tringle, non? Et bah j'ai pas changé d'avis depuis hein. Bordel, c'est la réponse que je redoutais. Vous savez ce que ça implique, n'est-ce pas? Oui, je sais. Bon, je te laisse, mon café va refroidir. A ciao. Cet appel vous sera facturé 500 Solaris. Nous vous remercions d'avoir utilisé le service de communication de la Guilde Spatiale. Ah bah ça! Tu n'as plus le choix maintenant. Il semblerait que non. Farrokh, tu me reçois? Oui, Usul. 5 sur 5. Tu peux lancer l'ordre de déployer nos frégates. Atomisez-moi cette planète. Bien, Usul, ça sera fait. Bilal Kaifa. Et oh! Farrokh! Oui, Usul. Faites ça vite et bien, ok? Pas de souffrance inutile. Il sera fait selon les désirs de Mouad'dib. Les désirs de Mouad'dib. C'est ça. Pendant ce temps, sur Veridel 7... Qui c'était? Ah, c'était Leto. Ah, il allait bien? Ah, je l'ai trouvé un peu ronchon, mais pas plus que d'habitude, en fait. Tu trouves pas que ça se couvre un peu? Ah ça, bah, c'est les frégates de l'Empereur qui viennent tout incendier. Ah, ok. Encore un peu de café? Volontiers. Viridel 7 éclata. Peu après, dans la baie d'observation du vaisseau de la guilde... La vache! Ah ouais, vous y êtes pas allé de main morte! Mais c'est horrible! Franchement, je m'en remettrai jamais de cette journée. Bienvenue dans mon monde, les amis. Je sais pas quoi dire. Bah dites rien, Yves. Ça vaut encore mieux. Servez-nous quelque chose, tiens. Quelque chose de fort. De très fort. Ok, je nous trouve ça tout de suite. Chroniqueur? Oui, Paul. Vous pensez pas que c'est le moment idéal pour conclure? Si. Allez, venez prendre un verre et commencez à noter. Très bien. Alors, pour la dernière fois... Dune. 20e et dernier épisode. La bataille d'Arrakis. 10193. Paul Muad'Dib a enfin réalisé son plein potentiel en transformant le poison de l'eau de la vie, devenant ainsi le Kwisatz Haderach attendu depuis si longtemps par les sœurs du Bene Gesserit. Plongé dans la transe induite par la drogue psychotrope, Paul a eu une vision de nombreux longs courriers de la guilde en approche d'Arrakis. À leur bord, ni plus ni moins que l'empereur Shaddam IV, accompagné de toute sa cour, ses montreurs d'ours et ses coiffeurs, ainsi que de l'ensemble des représentants des grandes maisons du Landsraad, tous venus sur place pour tenter de solutionner la crise majeure d'approvisionnement en épices orchestrée par Paul et son armée de Fremen. L'épopée de Paul Muad'Dib est sur le point de toucher à son dénouement. Pour l'heure, retrouvons Paul et Shani dans la volière du Siegstab. Fais attention à où tu marches, Usul. Il y a... de la fiente de chauve-souris, c'est ça? Oui, c'est ça. Et merde. Bon, il me faut un Sielago pour passer le message à tous les naïbs. Il est temps de lancer l'offensive. L'empereur arrive et je crois qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Il va falloir sortir le grand jeu. Je veux tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Tous répondront à l'appel, Usul. Nous le savons à présent, tu es le Lissana Al-Gaïb. Ah, mais je le sais déjà qu'ils vont se radiner. Faut juste mettre les choses en place. Bon, il est où mon copain Kiki? C'est celui qui vole en cercle au-dessus de ta tête. Et qui vient de te fianter sur l'épaule. Ah, bordel! Allez, viens ici, toi. Mais non, je vais rien te faire. Je vais te confier une mission d'une très grande importance, Kiki. Tu comprends ce que je te dis? Tu dois aller visiter tous les sièges et passer le message à tous les naïbs pour qu'ils me retrouvent près du mur du bouclier. Nous allons donner le grand assaut dans 3 jours. Alors, comment on enregistre déjà? Ah oui. 1, 2, 1, 2, poil de mes couilles de merde, poil de merde. Est-ce que tu peux être con? Quelques instants plus tard, Kiki, le brave petit Sielago, quittait le Siegstab à tire d'aile, amorçant son long et périlleux périple à travers les grands ergs et les plaines désertiques de la planète Arrakis. Consciente de la course contre la montre dans laquelle elle est engagée, la courageuse petite chauve-souris avale les kilomètres, volant de siège en siège pour porter le message de Muad'Dib. Partout où le fidèle messager venait annoncer la grande bataille à venir, la réponse était unanime. Que ce soit au siège Tuono. Muad'Dib nous appelle à la guerre. Et le siège Tuono répondra. Ou au siège Radjifiri. Le joug des Harkonnen touche à sa fin, mes amis. Longue vie aux combattants. Ou au siège de la passe du vent. Aïe! Ah, cette sale bestiole m'a mordu. Inlassablement, le vaillant Kiki continue de répandre le message de Paul Muad'Dib, de jour comme de nuit, bravant les tempêtes de sable, fuyant les féroces vautours. Attention, Kiki! Tu es dans la gueule grande ouverte d'un ver des sables! Ouf! Il a réussi à s'échapper avant que la terrible bouche ne se referme sur lui. Ah, poursuis ton périple, brave petit animal. Siech Nadir. Au troll est venu! Bilal Al-Kaïfa! Siech du matin. Muad'Dib! Et le Siech Jakurutu, c'est de la merde? Siech Jakurutu. Non. Pas le Siech Jakurutu. Ouais, mais ça, c'est de la discrimination! Dans le siège de Kiki, les millions de Fremen oppressés par les Harkonnen depuis des décennies se rassemblent et s'unissent pour la première fois sous la bannière des Atreides afin de se rendre maîtres de leur destinée. Sa mission achevée, un Kiki exsangue rejoint enfin la volière du Siegstab où il est accueilli avec tout le respect et la reconnaissance que lui doivent Paul et Shani. Bon boulot, Kiki. Tu as bien mérité de te reposer. Tu as impressionné Edwige. Je crois que tu as un ticket. Le lendemain, posté dans une grotte nichée dans la montagne connue sous le nom de Mur du Bouclier, Paul et ses guerriers observent la cité d'Arrakine en contrebas. Eh bien, moi qui pensais avoir tout vu dans ma vie. Faut dire, ils ont sorti le grand jeu, là. Muad'Dib, quelle est cette structure gigantesque au centre de la plaine? Celle qui est entourée de croiseurs légers. Ça? C'est le vaisseau de l'Empereur. Le vaisseau de l'Empereur? Mais c'est démentiel. Démentiel, c'est peu dire. Plusieurs ponts probablement occupés par 10 légions de Sardaukar, sans compter tous les gens de la suite de Shaddam, ainsi que ses serviteurs. Et ses montreurs d'ours. Ils pensent arriver en terre conquise. Ils en seront pour leurs frais. Gurney. Oui, Paul. Tu as pu retrouver le stock d'armes atomiques des Atreides que mon père avait fait dissimuler dans le désert? Tout est encore là? L'inventaire n'est pas terminé, mais à vue de pif, je dirais oui. Parfait. Une ou deux ogives devraient suffire. Pardon? Attendez, vous avez bien dit armes atomiques? Les gars, ça fait 3 jours que je vous en parle. Faudrait voir à écouter pendant les réunions. Hein. Bah, nous, tu sais, à la base, notre truc, c'est la contrebande. Là, on suit le mouvement parce que c'était ça ou se faire dézinguer par les Fremen. Ouais, on s'est dit qu'après réflexion, c'était cool de vivre, en fait. Mais, pardon de poser la question, hein, mais qu'est-ce que vous comptez faire avec des armes atomiques? Oui, parce qu'il me semble me rappeler que c'est extrêmement interdit par la Grande Convention. Hein. Tout le monde sait ça. Toute maison du Landsrad qui utiliserait des atomiques dans un conflit armé serait exterminée par les autres grandes maisons. Même la guilde refuserait de lui porter assistance. Ha ha! Nuance! Tout est dans la nuance! La Grande Convention interdit certes d'utiliser des atomiques contre des humains. Moi, je vais m'en servir contre des cailloux. Des cailloux? Un gros tas de cailloux. Le mur du bouclier? Vous voulez faire sauter le mur du bouclier? Vous êtes de grands malades! Moi, Dib! Nous savons qu'une arrière-grand-mère de Tempête approche à grande vitesse d'Arakine. Elle sera là demain. Je compte créer une brèche dans le mur de bouclier qui permettra à la Tempête de clouer au sol tous les appareils de l'Empereur. Ouais, c'est couillu! Des malades, c'est des malades! Bon, Usul, tu as vu ce que tu voulais voir? Entrons dans la caverne avant que nous ne soyons repérés. Parfait! Vous avez réussi à faire fonctionner la radio? Des nouvelles du siège du Sud? Farrokh est dessus, justement. Farrokh, ça avance? Vite fait. Je reçois énormément de statiques, Stilgar. Ce satané mur du bouclier empêche les ondes de passer. J'ai comme un mauvais pressentiment. Allons. Ah, ça y est, j'ai quelque chose. C'est pas dommage. Qu'est-ce que ça dit? C'est très parcellaire. Je retranscris. Assaut sur Tabre, Sardaukar, Sud, fils de Muad'Dib. Je ne capte plus rien. Mon fils est mort. Ça veut rien dire, Paul. Le message... Éteignez cette radio. Muad'Dib. Éteignez cette putain de radio! Et vous, le preneur de son, coupez ce micro! Je suis désolé, Paul. Je ne savais pas. Ce n'est pas une histoire que j'aime raconter. Oh, c'est triste. Nous sommes vraiment navrés pour vous, Seigneur Muad'Dib. Oui, vraiment, Seigneur Muad'Dib. Ouais. Ceci étant dit... Non, rien. Je sais ce que vous alliez dire, mais... Dites-le quand même. Vous me pardonnerez ma franchise, mais... Mais j'ai du mal à compatir quand je vois ce spectacle autour de nous. Il y avait des millions d'enfants ici, sur cette planète. Nous piétinons leurs cendres en ce moment même. Tout cela en votre nom. Je sais. Oh, c'était quoi ce grand bâtiment en ruine, là? Le palais du duc Esteban, je crois. Ou le parlement. Je ne sais pas. Quelle importance, maintenant. Toute cette désolation. Putain! C'est ce que vous vouliez éviter, n'est-ce pas? Oui. Mais vous devez avoir compris maintenant que j'avais pas le choix. Tous ces morts. Tant que ma mystique continuera d'influer sur les Fremen, ceci ne cessera pas de se produire. Bah attendez, je comprends pas. Vous avez qu'un mot à dire et... Ça marche pas comme ça. Même si je disparaissais maintenant, le djihad continuerait encore et encore et encore. Je suis piégé, moi. Y a pas d'issue. Enfin merde, je sais pas quoi, vous êtes l'empereur. Y aurait bien un moyen. Ah. Mais ça prendra du temps. Oh. Il faudrait déconstruire le mythe de Muad'Dib. Que les gens réalisent qu'il n'est qu'un homme, pas un dieu. Et comment vous comptez faire ça? À votre avis, pourquoi ça fait des mois que je raconte ma vie à cet énergumène qui me suit partout? Ah, ça, c'est moi. Oui, c'est vous. Comment vous vous appelez déjà? Aucune importance. Allez, mais vous allez le cracher, votre blase, oui, oh merde. Oh, faut dire, on commence un peu à en avoir soupé de vous voir faire votre mystérieux. Bon, d'accord. C'est Bronzo. Bronzo Dix. Ah, le nom à la mort moelle-neux. Oh, ça va, vous c'est bien Marcel, et vous Renato. Ah bah super, le name-dropping en fin de saga. Fallait vraiment qu'on fasse ça ici, au milieu des ruines. Ici ou ailleurs. Vous comprenez finalement? Je pense, oui. C'est officiel, Bronzo, C'est vous qui publierez ma biographie. Un jour, je ne serai plus là et il faut que les gens sachent. Ce sera un honneur, Paul. Mais, dites-moi... Oui, Bronzo ? Cela ne risque-t-il pas de m'apporter des ennuis ? Genre, avec la Kizarat et tous vos fanatiques ? Hein ? Oh non ! Vous inquiétez pas pour ça. Oh, ouf ! Oh, c'est juste que je ne voudrais pas finir enfourné vivant dans un distil de mort, c'est tout. Non mais, sérieusement. Et si nous allions fêter ça à bord du vaisseau, hein ? Je pense que Yves doit encore avoir des réserves de Kirana Brandy. Yves ? Yves ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Je ramasse une poignée de cendres. En souvenir. Gardez-la précieusement. Bronzo, on poursuit ? Oui, Paul. Retour en 10193. À l'intérieur du vaisseau de l'empereur Shaddam IV, le baron Vladimir Harkonnen patiente dans l'antichambre de la salle du trône, accompagné de ses deux neveux, Feyd et Rabban, ainsi que du manta Tefirawat. Oh là là là là, nous sommes dans un sacré pétrin. C'est votre faute, Awat. Mais quel homme impossible. Nom d'un chien, mais c'est quand même pas faux de vous avoir mis en garde. Mais j'ai suivi vos conseils à la lettre. J'ai arrêté d'approvisionner cet imbécile de Rabban et j'ai fait la sourde oreille à ses demandes de renfort. Attendez, de quoi ? Oui, ça n'a pas suffi. Je crois qu'en fin de compte, nous avons quelque peu sous-estimé ce boîte type. Celui-là m'en parlait pas. Il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Si je le tenais là, devant moi, je lui écraserais le crâne à main nue. Ah, oui, oui, ma sœur. Oh mais franchement, Baron. C'est à ce gorille que vous avez confié la gouvernance d'Arrakis. Sérieusement, hein ? Qu'est-ce qui pouvait mal tourner ? Eh oh, je vous entends, hein ? C'est sûr qu'il n'a pas inventé l'eau chaude, hein ! Écoutez, Seigneur Nabaron, pour ce qui est d'avoir inventé l'eau chaude, je pense que vous devriez pas trop la ramener. Pardon ? Rien. Je vous trouve bien insolente, Firawat ! Faites attention ! C'est vous qui devriez faire attention, cher Baron. Les choses sont sur le point de changer, je le sens. Nous verrons bien. En attendant, Rabban. Oui, Tonton Vladimir. Prends un détachement avec toi et pars maintenir l'ordre dans la cité d'Arakil. Je ne veux pas que la populace profite de la présence de l'empereur pour causer du grabuge. Bien, Tonton Vladimir. Pam param param parararam param param parararam param param le collier barat. Faites entrer ce gros lard flottant, le baron. Ah, je crois que ça va être à vous. Oh, ça va bien, hein. Quoi ? Oui, c'est discriminant. Bon, personne n'est gros. Faites entrer le baron. Restez là, tous les deux. Ah bon, on va pas se faire prier. Il va se prendre une chance. Ah, le voilà, l'homme du jour. Je vous demande d'accueillir notre maître de cérémonie, l'architecte de ce moment sans pareil dans l'histoire de l'Imperium, celui sans lequel cette féerie n'aurait pas eu lieu. Vous ne vous formaliserez pas, cher baron, si je me suis permis de venir avec quelques amis, n'est-ce pas ? Je crois que vous connaissez mon ami d'enfance, le comte Azimir Fenring. Et son épouse, la Lady Margot. Bonjour, bonjour. Mon aîné, Irulan. Baron. Et bien sûr, mon indispensable diseuse de vérité, la révérende mère Moyam, qui se fera un plaisir d'éprouver la véracité de tout ce que vous pourrez dire devant cette cour. Vladimir. Cela fait longtemps, n'est-ce pas ? Oui. Je préférerais oublier ça. Ah tiens, il y a une histoire, là ? Elle vous amuserait certainement, Majesté. Mais ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Ah, dommage. Une autre fois, peut-être. Et nous avons également avec nous quelques représentants de la Guilde Spatiale, de la Chaume, ainsi que quelques fonctionnaires dont j'avoue ne pas connaître moi-même les fonctions. Et mes montreurs d'ours, bien évidemment. Parfait, parfait. À présent que les présentations sont faites, mon cher baron, venons-en à la question principale. Pourquoi nous avez-vous invité sur Arrakis ? Mais, majesté, il y a sûrement méprise. Je n'ai pas requis votre présence. Ah ? Pourtant, la légèreté avec laquelle vous avez géré la production d'épices, l'incurie manifeste dont a fait preuve votre imbécile de neveu, ce Rabban, nous force aujourd'hui à intervenir. À quoi jouez-vous, Baron ? Mais, Majesté, je m'insurge ! Oh, passez avec nous, Baron. Ça fait presque 2 ans que vous vous laissez tenir la dragée haute par ce mois d'Ib, laissant son mouvement de fanatiques religieux prendre de plus en plus d'ampleur, sabotant la production de l'épice et mettant en péril le fonctionnement même de l'Impérium. N'allez pas me faire croire que tout ceci ne faisait pas partie d'un plan plus vaste. Mais, Majesté, je vous assure, je n'ai jamais voulu... Moyam ? Aussi consternant que soit la chose, j'ai bien l'impression que ce gros tas de graisse dit la vérité. Serait-ce possible que vous soyez, en réalité, si stupide ? Si ça peut m'éviter la peine de mort, oui, oui, je suis très stupide. Allons, vous n'allez pas me faire croire que vous ignorez même jusqu'à l'identité de ce fameux Mouad'Dib. C'est juste un fanatique religieux. Il en apparaît régulièrement un chez ces fous de Fremen. Mais bien vite, on n'en entend plus parler. Ah, les Fremen, parlons-en. Alors, c'est très drôle, hein. Mais j'ai fait envoyer quelques légions de Sardaukar sillonner le désert austral. Lequel serait, selon vos propres rapports, inhabitable. Mais c'est la vérité. Personne ne peut survivre aux tempêtes qui sévissent là-bas. Seuls les grands vers des sables. Et pourtant, mes hommes sont tombés sur un siège Fremen, peuplé uniquement de femmes, d'enfants et de vieillards, qui les ont mis en déroute. Mes Sardaukar, par une arrière-garde de femmes et de vieillards. Je ne sais que dire, Majesté. Vous ne me ferez pas croire que vous ignoriez de quoi étaient capables ces gens-là. Mon ami d'enfance, le comte Fenring, m'a rapporté que vous comptiez bien faire d'Arrakis une planète prison. Je suis formel. Votre but était de créer une armée capable de renverser le trône impérial, tout comme le duc Leto, votre allié. Oh là là là là là là ! Majesté, je ne comprends pas. Le duc Leto n'a jamais été mon allié, voyons. Nos maisons sont ennemies depuis des milliers d'années. Alors, comment expliquez-vous la présence de ces enfants parmi les Fremen ? De quoi ? Faites entrer l'otage. Vous savez ce qu'elle vous dit, l'otage ? Ah, la petite a son caractère. C'est une abomination ! C'est sa mère qui a encore fait n'importe quoi ! Oh, taisez-vous, grand-mère. Mais toi, tais-toi ! Grand-mère ? C'est une longue histoire. Mais c'est une enfant de 2 ans ! Comment peut-elle s'exprimer de la sorte ? Oh, salut, grand-père ! Vous êtes là aussi ! Grand-père ? Comment ça, grand-père ? Mais je... Et vas-tu te taire, petite peste ! Pas avant que vous n'ayez décliné mon pédigré au vieux baron. Par les dieux inférieurs ! Maudite Jessica ! Bon, ça vient, grand-mère ! Vous avez devant vous Alia, fille du duc Leto Atreides et de Jessica, et sœur de Paul. Mouad'Dib. Voilà. Maintenant, osez-vous me dire que vous n'aviez pas tout planifié depuis le début ? Oui, qu'y a-t-il, Azimir ? On nous signale qu'une violente tempête approche de la cité d'Arrakine. Si elle venait à s'abattre sur notre vaisseau, nos générateurs de boucliers ne feraient pas le poids, et là... Vous imaginez les conséquences ? Oh, inutile de vous inquiéter, le mur du bouclier nous protégera. Et si le mur ne devait plus être là pour nous protéger ? Pardon ? Nom d'un chien ! Qu'avez-vous fait ? Le mur du bouclier vient d'exploser ! C'est faux d'utiliser des atomiques ! Là-bas, à travers la brèche, je suis... Oui, sire ! Des vers de sable ! Des dizaines de vers de sable ! Avec des frénèmes sur leur dos ! Ils sont des milliers ! Arborant fièrement la bannière des Atreides. Youhou ! En avant ! En avant ! Pour les Atreides ! Mouad'Dib ! Mouad'Dib ! Ah, putain de corde de merde ! J'ai failli me casser la gueule ! Heureusement que je me suis rattrapé de justesse. Nos artilleurs viennent de pilonner le nez des astronefs. Ils sont cloués au sol. Nickel. Mais les Sardaukar vont pas tarder à réagir. D'ailleurs, les voilà. Ils ont pas perdu de temps. Nous n'allons en faire qu'une bouchée. Farok, Otaim, Chani, dirigez vos vers sur eux. Nous devons en écraser le maximum avant de finir au corps à corps dans la cité. C'est moi qui donne les ordres ici, hein. Pardon. Hé les gars ! Quelqu'un a compris quelque chose à ce qu'on doit faire ? Ah, mais me regarde pas, hein. J'en sais pas plus que toi, moi. Qui se met d'accord, bordel ? Du coup, on fait quoi, Mouadib ? On fait comme Stilgar a dit. Tout ça pour ça. Oh, la ferme ! En avant ! Oui, en avant ! Nous avons un fils à venger, Usul et moi ! Pour les taux 1 et les taux 2, pas de quartier ! À l'assaut ! Au même moment, dans le vaisseau de l'Empereur... Majesté, il faut nous replier. Cet endroit n'est plus sûr. Ah, mais non ! Je profite du spectacle. On voit pas ça tous les jours. Il est culotté quand même, ce gamin. Oh, folle jeunesse ! Il a complètement dévissé, le vieux. Un peu de respect pour vos aînés, jeune fille. Baron, jetez-moi cette petite abomination à la tempête. Ah, tout de même. Bien sûr. Viens par ici, toi. Attrape-moi si tu peux, vieille baudruche. Je vais te... Par ici. Laisse-toi faire. Par là. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Viens ici. Non. Mais arrête d'essayer de te débiner. Vas-y, essaye. Ah, à droite, à gauche, cherche. Ah, ça y est, je la tiens, Majesté. Je la... Ah, mais qu'est-ce que c'est? Vous venez de goûter le gomme jabard des Atreides, grand-père. Celui-ci ne tue que les animaux. Oh, ouf. Bah ça va, alors. J'avoue, le procédé est un peu déloyal, mais c'est quand même assez satisfaisant. Oui. Ah, qu'est-ce que j'aurais bien aimé m'en charger moi-même. Azimir, des nouvelles de l'évolution de la bataille? Comment ça se déroule dans la cité? Bien mal. Les Fremen se sont introduits dans Arrakine et les combats rapprochés ont commencé. Les ruelles sont trop étroites pour que nos ornies de soutien puissent être d'une quelconque utilité et tous nos vaisseaux ont été neutralisés. Sidérant. Tout va bien, père. Je me suis jamais autant amusé. Révérende mère. J'en sais rien, ma fille. Je pense qu'on l'a perdu. Ça devait être trop pour lui. Oh, taisez-vous, sorcière. Les rapports affluent. Nous perdons nos hommes à un rythme alarmant. Quelques instants plus tard, dans les ruelles d'Arrakine... Le palais est proche. Ah, c'est pas dommage. L'odeur du sang donne envie de gerber. Même le sable suffit pas à tout absorber. Mais quelle chochotte. C'est ça, le grand Mouadib. Bah, j'aime pas, c'est tout. Tiens, prends ça, toi. Tiens, tiens, tiens. Et ça, et ça, et prends ça, et ça, et encore ça. Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. Eh ben, qu'est-ce que ça serait si t'aimais ça, hein? Usul, je t'ai déjà montré. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, hein? Vois plutôt. Vous là, le Sardaukar, vous voulez bien m'assister dans ma démonstration? Oui, bien sûr. Attendez, de quoi? Non, j'ai mal. Ah oui, je vois maintenant. Merci de votre assistance. Y'a pas de quoi. Là-bas, Mouadib, sur l'esplanade. Ça serait pas... Rabban. Hein? Ah, mais c'est ce bon vieux Gurné Alec. Comment ça va, la cicatrice? Je vais te faire couiner comme le gros porc que tu es. Tu vas répondre de tes crimes. Il faudra d'abord que t'arrives à m'attendre. Vous tous, avec moi. Tu crois que c'est une centaine de gardes qui vont m'arrêter? Paul. Vas-y, fais-toi plaisir. Pour les Atreides. Atreides. Atreides. Prends ça. Je t'avais bien dit que je te ferais couiner. Massacre. Bon, eh ben voilà une bonne chose de faite. Au palais maintenant. Quelques instants plus tard, dans le palais d'Arrakine... Nous avons suivi tes ordres à la lettre, Mouadib. Nous avons réuni tous les prisonniers dans la grande salle. Bien, Corba. Et l'empereur? Ben ça va, il a l'air de bien le prendre. Ah? Bon. Bon, eh bien... Bonjour à toutes et à tous, C'est moi le nouveau taulier ici. J'espère que ça défrise personne. Vous ne le voyez pas, c'est son meilleur jour. Je ne l'ai pas élevé comme ça, je vous promets. Oui, à d'autres, ma fille. Mère, je ne vous ai pas demandé votre avis. Ah, je vois que tu as enfin entrevu la vérité. Tu as traversé la transe de l'épice, je le vois dans tes yeux. Bienvenue dans la consorerie, révérende mère. Jamais. Nous verrons. Nous verrons. Mère, grand-mère, on réglera ça tout à l'heure, hein, d'accord ? Bon, j'en étais où ? Merci, vous m'avez fait perdre le fil. Voici donc le fameux Muad'Dib. Ah oui, lui-même. Shaddam, je suppose ? Père, vous n'allez pas... Allez, Sirulan. On peut pas dire que vous manquez de culot, jeune homme. Ah bah, on n'a rien sans rien, hein. Et toutefois, pour ce qui est de cette histoire de changement de taulier... Ah, mais vous avez pas le choix. Je viens de mettre la guilde spatiale à ma botte, et sans elle, votre pouvoir n'a plus aucun fondement. Pas vrai, messieurs de la guilde ? Qu'est-ce qui paragouine celui-là ? Quelqu'un peut traduire ? Ce que mon estimé collègue dit, c'est que la guilde n'a aucun ordre à recevoir d'un aventurier de votre sorte, qui, de surcroît, n'a aucune manière ni hygiène corporelle. Voilà, c'est dit. Ah, si je vous dis que j'ai fait placer des stocks d'eau de la vie transformée près de quelques masses d'épices dans le désert, et que sur un ordre de ma part, ils seront mis en perse. Et ça serait quoi, ça ? Ah, oui, merde. Comment je leur explique ça, moi ? Cela entraînerait une réaction en chaîne qui tuerait tous les vers des sables et détruirait le cycle de l'épice à jamais. Oui, voilà. Merci, Chani. Pas d'épice, pas de voyage dans l'espace. Pas de voyage dans l'espace, pas d'empire. Pas d'empire, pas d'empereur. Pas d'empereur, pas de palais. Pas de palais ? Pas de palais. Bon. Alors, du coup, désolé, monsieur Chatham Corino, mais la guilde se rallie à Paul Atreides. Voilà. Ah bon ? Comme ça ? Eh ben oui, mais que voulez-vous ? Notre activité repose exclusivement sur l'utilisation de l'épice. Sans épice, nous, on n'a plus qu'à fermer boutique. Rideau, vous l'avez dit ? Pas de palais, pas de palais. Ça n'a rien de personnel, hein, mais vous comprenez que là, il nous tient par les... Enfin, vous voyez quoi, les... Paul ? Oui, Gornet, qu'y a-t-il ? Écoute ça, tu vas jamais le croire. Tefir, il est là, avec eux. On m'apprend que le manta Tefir Awat est retenu prisonnier parmi les Harkonnen encore en vie. Tefir ? Si tu veux bien t'avancer, mon vieil ami. Allez-y, vieux croulant. Mais n'oubliez pas ce qu'on a dit, hein. Tenez, ça devrait suffire. Oh là là là là, dans quel pétrin vous m'avez encore fourré. Tefir, quel plaisir de te revoir après toutes ces années. Petit galopin, tu leur en as fait voir. Je suis fier de toi. Merci, vieux camarade, mais... C'est une aiguille empoisonnée que tu tiens là. Oui. Cette andouille des feuilles de retasse imagine que je vais vous tuer à sa demande. Et tu comptes le faire ? À votre avis. Fais-le, vieux débris ! Regardez-moi bien, espèce de dégénéré. Tefir, non ! Ne fais pas ça, tu n'es pas obligé ! Je n'ai pas le choix, mon duc. Non ! Oh, mais ça fait un mal de chien ! On fait chier, merde ! Pourquoi t'as fait ça ? Cette fois, c'est moi qui ai le dernier mot. Tefir. Tefir ! Que l'on transporte le corps de ce vaillant soldat Atreides avec les honneurs qu'on lui doit. Empereur Shaddam IV, il y a encore un Harkonnen dans votre suite. Oui, c'est moi. Qu'on lui donne un poignard, et qu'il s'avance devant nous pour répondre dans la forfaiture de sa maison. Si ça ne tient qu'à ça, Feidrota peut utiliser mon poignard pour vous affronter s'il le souhaite. Un peu, oui, qu'est-ce que je souhaite ? Qu'il en soit ainsi. Paul, tu es sûr de toi ? Ce Harkonnen est un monstre. Laisse-moi plutôt. Non, Gurney, non. T'as eu tous les Harkonnen que tu voulais sur le champ de bataille. Laisse-en un peu aux autres, merde. Gna, gna, gna, gna, gna, gna. Bon, on s'y met, j'ai pas la journée, moi. J'ai une baronnie à diriger maintenant que le vieux est cané. On y vient. Puisse ta lame vaciller et se briser. Hein, c'est pas très fair play, ça. Je vais t'en donner, moi, du fair play. Tiens. Vas-y, Paul, défonce-le. Cette minette, tu crois que je pourrais l'étrangler quand j'en aurai fini avec toi ? Qu'il essaye un peu, dans tes rêves. Prends ça. Je te tuerai. Ouch ! Ah, tu perds rien pour attendre. Tu vois ta mort. Mon poignard t'achèvera. Mon poignard ? et il s'appelle Revient. Paul, une aiguille empoisonnée. Tricheur. Je te tuerai. Je plierai comme un roseau dans le vent. Oh, Fate, regarde, tes lacets sont défaits. Ah bon? Ah, merci. Quel con. Stilgar, tu n'oublies rien? Hein? De quoi? Oh, oui. Listen al Gaïb. Ah bah tout de même. Bon, bah c'est bien gentil tout ça, mais que fait-on maintenant? Je n'aime pas sa façon de me regarder, père. Je n'aime pas ta façon de regarder cette fille, Usul. Fais-moi confiance, Shani. Je pense que nous savons tous les deux comment solutionner ce problème. Il me regarde vraiment avec insistance, père. Épouser ma fille, vraiment. Vous n'avez pas de fils, pas d'héritier. Et moi, j'ai pas de trône. Au fond, ça arrange tout le monde. Paul! Jamais. Il sent le verre. Ah, ça va, c'est pas la peine d'être désagréable non plus. Paul! Vous pensez donc que moi, l'empereur de l'univers connu, je vais abdiquer en faveur d'un petit duc à la tête d'une armée de sauvages dépeignés qui a pris l'Impérium en otage? Oui. Eh bien, d'accord. Je vous souhaite bien du plaisir. Vous allez voir, on rigole tous les jours. Bon, maintenant, si vous me le permettez, je vais me retirer dans mes quartiers. Tiens, je pense que je vais m'installer sur Salusa Secundus. J'aime bien le climat là-bas. Ah, et une dernière chose. Oui? Assurez-vous d'avoir toujours une taverne à proximité. Croyez-moi, vous en aurez besoin. Bon, bah, ciao. À la voyure. Ok. Bon, bah, c'est fait, j'imagine. Cache ta joie. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Ouais. Tu veux pas relancer le truc un peu, là? Mais comment cela se peut-il? Car c'est lui, le Kwisatz Haderach. Vive l'empereur! Ah, voilà. Vive merci. Galère. On n'est pas sorti de l'auberge. Je sais, mais... J'ai toujours été un grand fan. Pardon. Hé, hey, hé, où tu vas, Shani? Pardon. Pardon. Shani. Oh, la paix, Corba. Pardon. Pardon. Shani, sèche tes larmes. Vois donc cette princesse là-bas, si hautaine, si confiante. Pense à cette princesse qui portera le nom de mon fils, mais qui sera moins qu'une concubine, qui ne connaîtra jamais un instant de tendresse avec l'homme auquel elle est liée. Alors que nous, Shani, que l'on nomme concubine, l'histoire nous appellera épouse. Shani, Masiaya, tu viens? Tu vois? Oui, mère, je vois. J'arrive, Usul! J'arrive! Fin. C'était Dune pour les nuls, une fiction librement adaptée de l'œuvre de Frank Herbert. Avec, par ordre d'apparition, Linusor dans le rôle de Caroline, Saint-Paulus dans le rôle du chauffeur de taxi, la talentueuse Koupi dans le rôle de la princesse Irulan et de Wana Yue. Les incomparables Rafa 96 et Mick 180 ont interprété des gardes Sardaukar, deux navigateurs de la guilde, des Fremen, un Levenbrech, un jeune esclave, les enfants de Jamis et bien d'autres figurations que j'ai certainement oubliées. Le grand Raoulito a interprété Liet Kynes et les molécules d'épices, un Volgator ainsi qu'un guerrier de la Kizarat. Christine Nancy a joué les rôles de Shani, d'une fillette et du globule rouge féminin. Viatou dans le rôle d'Alia et de Serena Butler. Wolf a quant à elle joué le rôle de l'ignoble Rabanne, Pardot Kynes, d'un Fremen et d'un globule blanc. Maiev dans le rôle de Margot Fenring. Eliosa a joué une servante et une séductrice. Sanction dans le rôle de Soussou et Perlin. François Gernigon dans le rôle de Bute. Le malicieux Richult dans le rôle de Corba et de Griffon 2. M.T. Ice dans le rôle d'un Fremen. Lamusé dans le rôle d'un Kizara, Johnny Pigeon dans le rôle du commentateur et d'un Naïp Fremen, Anya Kristen dans le rôle d'une Fremen, Imzadi dans le rôle de Hara, Kellyanne dans le rôle de Farok, Chloé François a interprété la révérende mère Ramalo, Christophe Pantel dans le rôle du maître d'école, GFP dans le rôle de Chichakli. Kwam et Kladal ont interprété des contrebandiers et des Fremen. L'ami François TJP dans le rôle du duc Esteban. Eva dans le rôle de sa femme Zia. Mathieu Quintin dans le rôle du naïb de Jacques Urutu. Mimi Ryudo dans le rôle d'un naïb. Avec l'aimable participation de Guillaume Gérard Cherki de la compagnie Erno dans le rôle d'un Fremen. Seul l'Impérial Blast pouvait jouer le rôle de Shaddam IV. Et enfin, Silverson dans le rôle d'un navigateur de la guilde. J'ai, quant à moi, Leto 75, interprété les rôles du narrateur, du garçon du cinéma, Vensicia, Paul Mouadib, Leto Atreide, Jessica, la révérende mère Moyam, la Shadowed Mapes, Gurney Alec, le docteur Yue, Tuffy Rawat, Duncan Idaho, Fade, le baron Vladimir Harkonnen, Peter De Vries, le comte Fenring, Yves, Marcel, Renato, Edric, et de nombreuses figurations quand je n'avais pas d'acteur. Merci à toutes les copines et à tous les copains de m'avoir suivi pendant ces 8 dernières années. A bientôt pour de nouvelles aventures fictionnaires. Fictionnariennes, non? Fictionnales? Ah, bordel, j'ai un doute. Fictionnelles? Non. Ah, putain! Allô? Allô, gros naze? Salut, Chippy. Que me vaut le plaisir? Ça y est, j'ai fini de l'écouter. Eh bien, tu as mis le temps. Fallait bien ces 3 mois pour digérer ton boulot de malade mental. Et encore, ça couvrait que le premier roman. Tu vas faire les autres? Oh, je crois pas, non, c'est trop de boulot. Mais je veux connaître la suite, moi. Bah, je te passerai les bouquins, ça sera plus simple. Je veux, oui. Déjà, tu m'apportes le deuxième dès demain. Et n'oublie pas de passer me prendre à 8h. 8h? Mais pourquoi si tôt? T'as pas oublié, au moins? C'est demain qu'on va chez mes parents, et ils ont hâte de te rencontrer. Je te mets en boîte, Chippy. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, gros naze.